Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et pour cette deuxième partie d'émission, je suis très heureuse de retrouver l'astrophysicien Jean-René Roy, chroniqueur à Futur Simple depuis 2015 quand même. Ça fait de longues dates, Jean-René, que vous participez à l'émission. Toujours au troisième millénaire. Oui, exactement. Donc, durant toutes ces années, Jean-René, vous nous avez parlé d'étoiles, de trous noirs, des techniques d'observation de l'univers, d'ondes gravitationnelles, de la vie et d'œuvre de plusieurs astronomes et astrophysiciens d'hier et aujourd'hui. Bref, vous nous avez parlé d'astrophysique et aujourd'hui, vous voulez souligner l'anniversaire de Anton van Leeuwenhoek, qui est connu pour ses travaux en microscopie et pour avoir découvert, entre autres, les protozoaires et les spermatozoïdes. On est loin de l'astronomie, alors qu'est-ce qui vous intéresse dans ce personnage? C'est l'aspect histoire des sciences et aussi d'avoir fait pour le microcosme ce que Galilée a fait pour le macrocosme. Ah, d'accord. Donc, les deux n'ont pas inventé l'instrument avec lequel ils ont amené une véritable révolution dans chacun de leurs domaines. Donc, Galilée a pris la lunette qui existait déjà en Europe depuis quelques années, que les gens prenaient pour regarder les voisins, le château ou l'ennemi, ou, etc. Donc, Galilée l'a amélioré quelque peu, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé le ciel. Donc, alors que les gens regardaient des objets qu'ils voyaient déjà, Galilée a regardé quelque chose qui n'était pas visible à l'œil nu. Il a révélé des choses que l'œil ne voyait pas, les montagnes sur la Lune, les taches sur le Soleil, de nouvelles étoiles dans le ciel, etc. Et Anton van Leeuwenhoek, qui est un autodidacte néerlandais, a fait un peu la même chose. Le microscope avait été utilisé, l'était à son époque, et lui, qui était un marchand de tissus, un drapier et qui opérait une draperie dans la petite ville de Delft aux Pays-Bas, utilisait déjà des lentilles et des petits microscopes pour examiner les tissus et vérifier leur qualité. Et c'est un peu par hasard et sûrement une grande curiosité qu'il avait, qu'il a un jour commencé à regarder autre chose que des tissus. Avec de petits microscopes qu'il fabriquait lui-même. On pourra y revenir, Valérie, parce que c'est très intéressant, sa démarche. Donc, il s'est mis un jour, il a regardé des objets un peu comme Robert Hooke le faisait, donc, qui était un pou, une patte d'araignée, etc. et tout. Mais un jour, en marchant, parce qu'il marchait beaucoup comme étant le secrétaire de la petite ville de Delft, il faisait souvent le tour de la municipalité. Un jour, en juillet, il a remarqué qu'un lac, beaucoup de lacs, beaucoup d'eau autour de Delft, qu'un lac était tourné blanchâtre. Mm-hmm. Et qu'en même temps, en fait, les pêcheurs sortaient beaucoup de poissons. Donc, il a été intrigué, qu'est-ce que c'est? Et il a regardé à l'aide de son microscope une goutte d'eau. Il savait comment préparer ses petits échantillons. Et ce qu'il découvre, c'est ce qu'il a appelé animalcules, petits animaux, qui grouillaient, il les caractérise comme de petits brochets, mais ils n'étaient pas visibles à l'œil nu. Et ce qui l'a, en quelque sorte, étonné, c'était la quantité énorme qu'il y avait dans une seule goutte d'eau. Donc, il venait de découvrir les microbes, les bactéries. Oui, oui. Donc là, en fait, ça montre comment il est passé de drapier à un observateur, à un biologiste, à un microbiologiste. En fait, on se situe à quelle époque là? Donc, il est né en 1632. OK. Et donc, il est contemporain. Il correspond à la fin de la vie de Galilée, qui décède en 1642. Il est un contemporain de Christian Huygens, le grand physicien astronome néerlandais qui a découvert les anneaux de Saturne. Il est un contemporain de d'autres personnages assez étonnants, le philosophe Baruch Spinoza, un grand philosophe néerlandais. Et Spinoza, qui était persécuté par sa communauté juive, devait vivre de ses propres moyens. Il était opticien, il fabriquait des lentilles. Ah. Et d'ailleurs, il a fabriqué des lentilles. Entre les lentilles et... Parce que von Leeuwenhoek avait aussi besoin de lentilles. Est-ce qu'il y avait un rapprochement, un, un point commun Absolument. entre les deux. Donc, Leeuwenhoek utilisait les lentilles de Spinoza, et en particulier les toutes petites lentilles que faisait Spinoza. Et puis Spinoza avait montré que les petites lentilles avaient des avantages pour la microscopie. Autant pour les télescopes, on visait à faire des lentilles de plus en plus grandes, et le contemporain physicien Christian Huygens a fait beaucoup d'avancées à ce domaine-là. Leeuwenhoek préférait les petites lentilles, celles plus petites même qu'un pois, Bon, ouais. qui lui permettaient d'obtenir des magnifications de l'ordre de jusqu'à 200. Et même aujourd'hui, on a démontré que son microscope le plus puissant, qui était comme une petite bille, magnifiait de 266, ce qui était pour l'époque absolument énorme. Ça lui permettait de voir des détails aussi petits qu'un micron. Ah Donc, de voir des choses pas visibles à l'œil nu, donc de voir des choses comme les bactéries. Aussi, un autre contemporain, et avec lequel on n'a pas d'évidence directe qu'il aurait interagi étroitement, c'est le peintre renommé qu'on connaît aujourd'hui par la valeur de ses œuvres de peinture, Johannes Vermeer. Donc, il était probablement collègue et tout. Et d'ailleurs, on dit que Vermeer a fait deux portraits où Leeuwenhoek aurait été son modèle. Ah oui. Donc, le portrait qu'on appelle le géographe et le portrait qu'on appelle l'astronome. Deux très beaux portraits. Ah Et Van Leeuwenhoek aurait été son modèle. D'ailleurs, quand Vermeer est décédé assez jeune, dans la quarantaine, Van Leeuwenhoek a servi d'exécuteur testamentaire. Donc, Est-ce que c'était l'époque, une époque vraiment beaucoup de choses se passaient. ouais. Donc, Leeuwenhoek va en fait soumettre ses travaux à la revue Philosophical Transactions de la Société royale d'Angleterre. Ouais. Il envoyait ses travaux, les résultats de ses observations sous forme de lettres, longues lettres. Ouais, donc il décrivait, faisait ses observations et puis il décrivait, mais si pas grand monde n'avait observé la même chose que lui, est-ce qu'il était cru? Est-ce qu'on Donc, c'est croyait? ça. Donc, première chose, les lettres arrivaient au secrétaire qui s'appelait Henry Oldenburg. Heureusement, le secrétaire était d'origine néerlandaise. Ah ouais. Donc, il traduisait les lettres de Van Leeuwenhoek en anglais ou en latin. Donc, et parce que Leeuwenhoek n'avait pas une formation, il n'était pas un littéraire, il l'avouait lui-même, donc ses lettres étaient longues. Donc, Oldenburg devait les couper, en plus de les traduire, et en publier, en fait, de bonnes sections. Au début, ça a pris du temps. Donc, il y avait sûrement beaucoup d'incrédulité de la part des Anglais, d'autant plus que Leeuwenhoek est très réticent à publier les détails de comment il procédait. Ah ouais. Et ça, on le sait que c'est la source de la science, il faut décrire comment on fait pour que les autres puissent reproduire. Et ce n'est que plus tard que des gens comme Robert Hooke, comme Christian Huygens, qui ont réussi à confirmer. Donc, ce que faisait Leeuwenhoek, il faisait quelque chose d'assez bizarre. Il demandait à des gens autour de lui de venir observer à son microscope et de décrire ce qu'il voyait et d'envoyer des affidavits au secrétaire d'Oldenburg disant, oui, on est capable de confirmer que ce que M. Leeuwenhoek observe et décrit est vrai. Ouais. Donc, c'est toute une approche complètement C'est original comme non approche. standard. Ouais. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il avait quand même certaines ressources et il était conscient que n'ayant pas fait d'études universitaires comme les autres, il allait peut-être pas vraiment être accepté dans la communauté scientifique de l'époque, mais il trouvait des moyens quand même de faire reconnaître ses observations. Oui, et d'ailleurs, c'est heureux que Oldenburg traduisait et remettait en forme ses textes parce que il écrivait de façon simple, on dirait même naïve. Ouais. On le qualifiait de simple d'esprit en le lisant, sauf qu'en le connaissant, il n'était pas du tout simple d'esprit. C'était un excellent marchand qui savait gérer des affaires. Et des choses intéressantes, c'est que il commence sa carrière de chercheur assez tard. Dans les années 1670, il est dans la quarantaine. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va décéder, et on célèbre cette année le 300e anniversaire de son décès. Il va décéder en 1723, le 23 août, donc à l'âge de 90 ans. Et même à 90 ans, il avait déjà envoyé dans l'année de son décès, je pense, deux lettres qui totalisaient à peu près 150 qu'il avait envoyées, dont 112 ont été publiées. Il n'a jamais publié de livre. Tout n'est que sous forme de ces lettres retravaillées par le secrétaire Henry Oldenburg. Ça faisait du travail alors pour le secrétaire. Oui, surtout que certaines lettres étaient très longues. Ouais. Et ce qui était curieux aussi, j'ai regardé certaines de ces lettres, c'est fascinant à le lire. Il tend à présenter ses résultats juste à la fin. Donc, le lecteur peut s'essouffler au début, non, où est-ce qu'il va en venir, etc. Et tout. Comme la découverte des spermatozoïdes qu'il fait, je pense, en 1677. Il publie ça. D'abord, il fait traduire. Cette fois-là, il demande à un collègue d'université, d'Utrecht, je pense, de traduire son texte en latin parce qu'il a peur que de montrer que le spermatozoïde grouillait de petits animalcules, croyait que ça allait énerver les gens, et avec raison. Donc, il a soumis ce texte-là en latin grâce à l'aide d'un collègue. Et évidemment, ça aussi, ça a été une étape absolument fondamentale. La découverte des spermatozoïdes s'est faite à partir des spermes de lapin. Ah, mais oui. Il a aussi expérimenté avec son propre sperme, de détecter des spermatozoïdes dans son propre sperme, recueilli à l'aide de son épouse. Tout est très détaillé dans ses lettres. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y avait des croquis dans ses lettres? Parce que, oui. Bon, il n'y avait pas... Ok, donc il faisait aussi des dessins en même temps pour accompagner les descriptions. Ben, pas beaucoup. On en a que quelques-uns. Entre autres, il y a des spermes, des croquis de spermatozoïdes. Il a quelques croquis. Il n'a pas fait de croquis de ses microscopes, mais aujourd'hui, vu qu'il a laissé à son décès une vingtaine de microscopes à la Société Royale, on a pu les analyser, les passer en tomographie, rayon X, et on sait exactement comment il les faisait, une technique très originale, et de quelle grosseur on pouvait reconstituer en fait sa lentille, et on pouvait confirmer les grossissements qu'il obtenait. Ouais. Ben, on va peut-être y revenir un peu après sur sa technique de fabrication des microscopes, mais je veux rester sur ce qu'il observait, sur ces 300 et quelques lettres-là qu'il a écrites. En fait, donc, il observait quoi? Bon, à part les spermatozoïdes, qu'est-ce qu'il a observé? En fait, il a fait d'observer, il a sûrement observé beaucoup de choses, mais c'est tout ce qui est relié aux micro-organismes. Il a observé les bactéries, c'est pas le nom qu'il leur donnait, donc ils appelaient toujours animalcules. Dans les eaux. Les eaux qu'il laissait, par exemple, il faisait fondre la neige. Les eaux d'un puits profond. Les eaux, l'eau du thé. Ensuite, l'eau qu'il mettait du poivre, du nutmeg. Et même, un test qu'il faisait, il observait, il mettait du vinaigre. Et là, tout de suite, il disait, après quelques secondes, tous les animalcules mouraient. Donc, il faisait en quelque sorte de l'expérimentation en même temps qu'il faisait de l'observation. Donc, toutes sortes d'insectes, mais toujours des choses que l'œil ne voyait pas. OK, d'accord. Donc, c'est là-dessus qu'il écrivait. Donc, c'est ça son immense contribution. Et ce qui est fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne procédait pas avec ce qu'on appelle la méthode scientifique. Tout au contraire, il y en a qui l'ont accusé d'être complètement désorganisé, donc, etc. Il ne partait pas d'une hypothèse avec une expérience pour démontrer son hypothèse. Il prenait son échantillon par curiosité. Il se disait, il y a un échantillon, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je vais regarder. C'est son hypothèse que je vais voir quelque chose qui n'avait pas été vu avant. Et je vais essayer de le décrire du mieux que je puis. Et comment ça s'insérait dans les connaissances en biologie de l'époque? De quelle façon, donc, de découvrir l'invisible, ça fait avancer la conception, la biologie de l'époque? Je pense que là, ça sort un peu de mon domaine, Valérie, mais il a mis d'ailleurs, il a fait des commentaires là-dessus que finalement, il était totalement opposé à la génération spontanée. Les bêtes ne surgissent pas, les souris ne surgissent pas d'un tas de linge pas lavé. Donc, il a fait des commentaires assez drastiques là-dessus. Il n'est pas question. La vie apparaît à partir de micro-organismes. Et il a aussi décrit que des phénomènes comme la putréfaction étaient quelque chose qui était activé par des micro-organismes, parce qu'il les voyait à l'action. Il regardait des choses avec le temps. Il observait le sang, donc globules rouges, le mouvement du sang dans des parties d'animal, comme ce qui est célèbre apparemment, je ne l'ai jamais vu, mais le mouvement du sang dans la queue d'une anguille, c'était observable au microscope et il le montrait à des gens aussi célèbres que Pierre le Grand, le tsar de Russie, lorsqu'il a visité les Pays-Bas. Ah, c'est intéressant, ça veut dire qu'il a tiré quand même chez lui des grands personnages. Oui, à la fin, absolument, je pense qu'il était comme devenu un peu une vedette. Il était remarqué et ses travaux avaient été publicisés par les lettres qu'il envoyait à la Société royale, dont il est devenu membre assez tard. Et c'est étonnant que cet autodidacte formé sur le tard, qui était motivé uniquement par une curiosité absolument effrénée, il était maniaque. Sa fille disait souvent à son père d'arrêter d'observer, qu'il allait finalement se ruiner la vue. D'ailleurs, il était probablement un peu myope, parce qu'il devait l'aider avec ses microscopes. Mais il était acharné, il adorait ces animaux cultes. Ces petits êtres, pour lui, c'était un peu comme l'extension de sa famille. De la manière qu'il les décrivait comme de bons nageurs, de déplacements rapides comme de bons courseurs, à la vitesse du brochet. Ah oui. Il avait une façon de décrire les choses qui montrait qu'il était non seulement passionné, mais qu'il était en amour avec ce monde de la microbiologie qu'il découvrait. Bah, il les décrivait avec des termes du commun, finalement. Exactement, oui. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, revenons maintenant à ces microscopes. Donc, bon, il n'est pas parti de rien. Il y avait déjà des bases de microscopes qui existaient. Donc, quel a été son apport à la fabrication des microscopes? En fait, on ne sait pas trop. L'apport technique n'a pas été révolutionnaire. C'est d'avoir utilisé une lentille simple, une simple lentille où il se collait l'œil littéralement sur la lentille pour voir l'objet de l'autre côté. Donc, comme je le disais, de la grosseur, même d'un poids, même plus petit, c'était des rebuts de gens qui coulaient du verre, qui font des fils et que quand un fil de verre se forme, ça fait des petites boules. Donc, il extrayait la petite boule, la polissait et la mettait dans un espèce de montage en métal, on les connaît, on les a aujourd'hui, et c'était son système. Donc, il faisait beaucoup de lentilles, mais que seulement quelques-unes, n'avaient pas besoin de beaucoup. Donc, c'était là une production massive qui donnait ses petites billes de temps en temps. Il y en avait une qui avait la forme parfaite. Ouais. Et il avait trouvé aussi que la bille, avec une forme légèrement aplatie, donnait une meilleure image. Il y avait un avantage aussi avec la lentille unique d'avoir le phénomène d'aberration chromatique, c'est-à-dire que les couleurs se séparent comme dans l'arc-en-ciel, qui est moins important dans un système comme il utilisait que le système standard, par exemple utilisé par Hooke, que donnait lieu au microscope actuel. Avec le tube dans lequel on regarde par le haut, puis vers les objets qu'on veut regarder qui sont au bas, proches de l'objectif. Donc, son approche était, quand on regarde le microscope de Van Leeuwenhoek, donc vous pouvez le faire, aller en ligne, regarder le microscope de Van Leeuwenhoek, et vous allez voir, qu'est-ce que c'est pas un microscope, si tu vois, ça n'a rien à voir, c'est deux plaques de métal qu'il pouvait faire bouger, puis la petite lentille était coincée dans une ouverture qu'il avait faite dans ses plaques de métal. Donc, c'est très inusité comme allure de microscope. On dit qu'il a expérimenté même avec un œil de morue. Donc, pour essayer de faire. Donc, c'est juste une anecdote, là, on ne sait pas si. Mais il devait être quelqu'un là, qui était autodidacte, mais qui d'une grande curiosité et qui devait tout essayer. Mais il fabriquait, il y a un montage métallique, donc il fabriquait lui-même les pièces métalliques? Oui, ben, il y avait sûrement des artisans. Étant le secrétaire de Delphes, il avait des contacts. Donc, par exemple, une de ses tâches, c'était de vérifier les marchands de vin, là, d'être sûr que les quantités de vin qu'ils vendaient correspondaient à ce que le client croyait acheter. Là. On est loin de la draperie. Il faisait la vérification sur le terrain comme secrétaire de la ville. Donc, ses contacts devaient être importants. Et en ayant une mercerie où beaucoup de gens venaient pour avoir des tissus, et les tissus à cette époque, c'était quelque chose de grande valeur. On n'était pas à notre époque aujourd'hui où les tissus sont fabriqués par des machines à l'aide de gens qu'on paye à peu près rien en Asie. Donc, à l'époque, l'industrie textile, et on le voit dans les illustrations qu'on regarde les peintures de Vermeer, de Rembrandt, qui était aussi un contemporain, on voit que être marchand de tissus, c'était quelque chose. Ouais, et puis c'était pas n'importe qui venait aussi peut-être le voir aussi comme ses clients à la mercerie, était peut-être pas n'importe qui, donc il avait peut-être des contacts aussi intéressants de ce côté-là. Oui, absolument. Donc, Mais aussi un autre point, Jean-René, c'est que quand on regarde au microscope aujourd'hui, généralement on éclaire notre objet. oui. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il utilisait comme source d'éclairage? Une bougie? Qu'est-ce qu'il éclairait? Ça n'a jamais été clair, jamais. Donc, sûrement la lumière du soleil. Donc, c'est évident que c'était la lumière du soleil. Donc, les techniques d'éclairage étaient probablement, peut-être que son ami, collègue Johannes Vermeer, on voit les éclairages dans les peintures de Vermeer qui sont absolument extraordinaires. Peut-être que Vermeer lui a donné quelques suggestions de comment utiliser la lumière qui arrive avec un certain angle du soleil, avec un miroir pour éclairer la cible qu'il observait. Un peu comme on fait avec un microscope tout simple aujourd'hui. Jean-René, pour finir, finalement, quel est le legs de Van Leeuwenhoek aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a légué? Bon, une façon d'observer une quantité de lettres qui ont ensuite permis de faire évoluer les connaissances en biologie? Moi, je pense que, évidemment, la découverte des micro-organismes invisibles à l'œil nu, c'est le point fondamental, mais je le vois plus comme l'aspect de la personne, le développement de cet autodidacte qui est dans la quarantaine, va devenir un scientifique les plus remarquables de l'histoire des sciences par une grande autonomie, un questionnement. Qui est fait sûrement avec un bon sens critique et sûrement où il teste tout de même ses idées en étant en contact avec Christian Huygens. Il ne travaille pas en isolement total. C'est toujours le danger de gens autodidactes qui partent sur une tangente comme ça. Ils ne tombent pas dans ce panneau. Et il a le mérite d'observer, il ne veut pas partager des détails, mais il soumet ses observations par écrit à l'organisme scientifique, un des plus grands de l'époque. Il est audacieux. C'est un audacieux. Il est quelqu'un de autodidacte qui ne suit pas la méthode dite standard de la science, mais qui est motivé par une curiosité extraordinaire et qui a le talent de tomber sur les bonnes choses au bon moment. Et qui veut Ça, partager ses découvertes. Il est conscient qu'il découvre quelque chose d'inusité et oui. il veut partager ses découvertes. Mais il ne veut pas partager comment il le fait. Ah, c'est vrai. Et ça, c'est sa faille. Aujourd'hui, ça ne passe pas, ça. Ouais, exactement, c'est bien vrai. Mais moi, je trouve le personnage extraordinaire et je pense que allez revoir, il y a un très bel article sur Wikipédia sur Van Leeuwenhoek. Et aussi, allez voir, il y a d'ailleurs un très beau portrait de lui par un de ses collègues. Et vous pouvez aussi voir des portraits qu'on pense être lui comme modèle, le géographe et l'astronome par Johannes Vermeer, un des plus grands peintres de l'histoire, un contemporain et probablement ami de Van Leeuwenhoek. Bah, c'est une très belle histoire que celle de Anton van Leeuwenhoek et c'est intéressant de voir comment le drapier est devenu un microbiologiste, un fabricant de microscopes. Alors, merci beaucoup, Jean-René, de nous avoir fait découvrir ce scientifique autodidacte. Merci beaucoup, Jean-René, et qui est, je le rappelle, astrophysicien. Très grand plaisir. Alors ainsi se termine Futur Simple, mais revenez-nous la semaine prochaine. Il sera question des plantes de l'Arctique et aussi du livre de Mathieu Dugal qu'il a écrit sur l'intelligence artificielle à l'intention des jeunes de 8 à 12 ans.